Néhémie chapitre 13. En ce temps-là on lut au livre de Moïse, tout le peuple l'entendant, et on y trouva écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient point entrer à jamais dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et qu'ils avaient loué Balaam contre eux pour les maudire, mais notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi il arriva que dès qu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tout mélange. Or, avant que ceci arrivât, Éliasib, sacrificateur, ayant été commis sur les chambres de la maison de notre Dieu, s'était allié à Tobija, et lui avait dressé une grande chambre, où auparavant on mettait les gâteaux, l'encens, les ustensiles, et les dîmes du froment, du vin et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les lévites, pour les chantres et pour les portiers, avec ce qui se levait pour les sacrificateurs. Or je n'étais point à Jérusalem pendant tout cela, car la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, je retournai vers le roi, et au bout de quelque temps je fus redemandé au roi. Je revins donc à Jérusalem, et alors j'entendis le mal qu'Éliasib avait fait dans ce qui regardait Tobija, lui dressant une chambre dans le parvis de la maison de Dieu. Ce qui me déplut fort, et je jetai tous les meubles de la maison de Tobija hors de la chambre. Et on nettoya les chambres selon que je l'avais commandé, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, les gâteaux et l'encens. J'entendis aussi que les portions des Lévites ne leur avaient point été données, de sorte que les Lévites et les chantres qui faisaient le service s'étaient retirés chacun dans le bien qu'il avait au champ. Et je censurai les magistrats, leur disant, « Pourquoi a-t-on abandonné la maison de Dieu ?» Je les rassemblai donc, et les rétablis en leur place. Et tous ceux de Juda apportèrent les dîmes du froment, du vin et de l'huile, au grenier. Et j'ordonnai pour receveur sur les greniers, Sélanja, sacrificateur, et Tsado, scribe, et d'entre les Lévites, Pédaja, et pour leur aider, Hanan, fils de Zakur, fils de Matanja, parce qu'ils passaient pour être très fidèles, et leur charge était de distribuer ce qu'il fallait à leurs frères. Mon Dieu, souviens-toi de moi touchant ceci, et n'efface point ce que j'ai fait d'une bonne, et d'une sincère affection pour la maison de mon Dieu, et pour ce qu'il est ordonné d'y faire. En ces jours-là je vis quelques-uns en Juda, qui foulaient au pressoir le jour du sabbat, et d'autres qui apportaient des gerbes, et qui chargeaient sur les ânes du vin, des raisins, des figues, et toute autre sorte de fardeau, et les apportaient à Jérusalem le jour du sabbat, et je les sommais le jour qu'ils vendaient les provisions, de ne le plus faire. Aussi les Tyriens qui demeuraient à Jérusalem, apportaient du poisson, et plusieurs autres marchandises, et les vendaient aux enfants de Juda dans Jérusalem le jour du sabbat. Je censurai donc les principaux de Juda, et leur dis, « Quel mal ne faites-vous pas de violer le jour du sabbat ? Vos pères n'ont-ils pas fait la même chose, et n'est-ce pas pour cela que notre Dieu a fait venir tout ce mal sur nous et sur cette ville ? Et vous augmentez l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël, en violant le sabbat. C'est pourquoi, dès que le soleil s'était retiré des portes de Jérusalem avant le sabbat, on fermait les portes, par mon commandement. Je commandai aussi qu'on ne les ouvrit point jusqu'après le sabbat, et je fis tenir quelques-uns de mes gens sur les portes, afin qu'il n'entrât aucune charge le jour du sabbat. Et les revendeurs, et ceux qui vendaient toutes sortes de denrées, passèrent la nuit une fois ou deux hors de Jérusalem. Et je les sommai de ne faire plus cela, et je leur dis, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille ? Si vous y retournez, je mettrai la main sur vous. » Ainsi, depuis ce temps-là, ils ne vinrent plus le jour du sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier, et de venir garder les portes, pour sanctifier le jour du sabbat. Aussi, ô mon Dieu, souviens-toi de moi touchant ceci, et me pardonne selon la grandeur de ta miséricorde. En ces jours-là je vis les Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. De sorte que leurs enfants parlaient en partie asdodiens, et ne savaient point parler juif, mais ils parlaient la langue de divers peuples. C'est pourquoi je les repris, et les blâmai, j'en battis même quelques-uns, et leur arrachai les cheveux, et les fis jurer par le nom de Dieu, qu'ils ne donneraient point leurs filles aux fils des étrangers, et qu'ils ne prendraient point de leurs filles pour leurs fils, ou pour eux. Salomon, le roi d'Israël, n'a-t-il point péché par ce moyen, quoiqu'entre beaucoup de nations, il n'y eut point de roi semblable à lui, et qu'il fût aimé de son Dieu, et que Dieu l'eut établi pour roi sur tout Israël, toutefois les femmes étrangères l'ont fait pécher. Vous accorderions-nous donc de faire tout ce grand mal, en commettant ce crime contre notre Dieu, de prendre des femmes étrangères? Or il y en avait même un d'entre les enfants de Jojada, fils d'Éliasib, grand sacrificateur, qui était gendre de Sambala, Horonite, lequel je chassais pour cette raison-là d'auprès de moi. Mon Dieu, qu'il te souvienne d'eux, à cause qu'ils ont souillé la sacrificature, l'alliance, dis-je, de la sacrificature et des Lévites. Ainsi je les nettoyais de tous les étrangers, et je rétablis les charges aux sacrificateurs et aux Lévites, à chacun selon ce qu'il avait à faire. Et j'ordonnais ce qu'il fallait faire touchant le bois des oblations dans les temps déterminés, et touchant les premiers fruits. Mon Dieu, souviens-toi de moi en bien.